amour comme le vent ne meurt jamais. Pendant un jour de mer, je t'ai pris dans mes bras et contre la lumière d'un coucher de soleil doré, nos silhouettes ne faisaient qu'un. Ton visage lourd, la vie, il a dissous les fers de lance de nos aventures. J'apprends encore, eh bien tu vis en moi comme je meurs en toi. Nous avons fait l'éternité, elle part en moi.